vais deixar em bom destino de nunca ir sentir a solidão. Então vai. Só contigo sonho acordado. Não saberei viver se disseres não. Vai, que eu vou fazer-te minha para sempre. E volto nos meus braços ternamente. Não tens como negar meu coração. Oh, oh, oh. Vai, mas jura que me tratas com carinho, que não me vais deixar em bom destino, de nunca ir de sentir a solidão. Então vai. Sente minha para sempre. Envolvo nos meus braços ternamente. Não tens como negar meu coração. Oh, oh, oh. Vai, mas jura que me tratas com carinho, que não me vais deixar em bom destino. Nunca hei de sentir a solidão. Então vai. Arc-en-ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Bonjour à toutes, voilà donc les 13h30 passées. Voici donc comme tous les mardis, tout simplement, après-midi, c'est l'émission Music Dance, tout simplement, jusqu'à 17h. Et bien, c'est que vous allez retrouver donc, eh bien, mardi prochain, tout simplement, entre 9h jusqu'à midi, avec Lionel. Voilà pour nous, nous sommes ensemble toute l'après-midi avec toutes sortes de chansons différentes. Ah. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec du disco et puis juste après du pop rock. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. What? Arc-en-Ciel. Voici donc du pop rock et puis juste après du rock. Soulage sur les blés, quand tout vers toi m'entraîne. Hey. Oh que je t'aime. Hey. Et j'aurai pour toi la tendresse du poney. Le cœur de l'orage et des mains de cordonnier, des villages en plein été, des pays, un domaine. De tes peines. Hey.

seule chasse, un été de pluie. La 4, elle est morte, on a repeint la rue. Elisa dedans, petit Jean, écran est fort. Je prends la guitare, j'en suis à 3 accords. J'ai trouvé des girolles au marché ce matin. J'aimerais vivre à Rome, oh, j'aimerais bien. J'ai planté des tulipes, belles tartes à éclore. C'est tout, je crois. Ah oui, je t'aime encore. Mais où tu? Aussi loin sans même une adresse. Et que deviens-tu? L'espoir est ma seule caresse. Ça m'a fait bizarre, mais j'ai survécu. On m'invite, on me désire, et je danse et je sors. Quand je danse, je t'aime encore. Voici donc Gilbert Montagné, puis juste après lui, le blues. Silence tendu de ta voix. toi, de tes silences tendres et de ta voix.

seul je t'aime m'a rendu le sourire. Un carnaval d'amour, oh, la nuit sur le canal, ah, jusqu'au petit jour, les chansons velours, les millions d'étoiles. Un carnaval d'amour, oh, où tu conduis le bas, ah, et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. On s'endort, toi et moi, sur des sérénades, mais je sais déjà que dans quelques heures on s'en revivra. Un carnaval d'amour, oh, la nuit sur le canal, ah, jusqu'au petit jour, des chansons velours, des millions d'étoiles. Un carnaval d'amour, oh, où tu conduis le bas, ah, et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. Et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. Allô, Robert ? Ah bah non, c'est pas Robert, non. Vous avez dû faire un faux numéro. Ah, c'est pas le 3661 ? Si, c'est bien ce numéro, mais il n'y a pas de Robert ici. Bah s'il n'est pas là, c'est pas grave. Dites-lui que demain, pour le tennis, ça m'arrangerait mieux à 15h30, ok ? Ça, mais monsieur, je vous dis qu'il n'y a pas de Robert ici. Oui, j'ai bien compris. Alors dites-lui juste qu'il me rappelle chez monsieur Bretzel. Allô ? Allô ? Oh, c'est pas vrai, mais il est fou ce type-là. Oui, allô ? Écoute, Robert, faut absolument que tu viennes récupérer ton kleps, hein. Ça devient invivable. Ici, on est déjà trois dans le studio, alors... Ah, mais c'est pas vrai, ça. Il y a déjà quelqu'un qui a téléphoné tout à l'heure. Mais comme j'ai dit à cette personne, il n'y a pas de Robert ici. Il n'y a pas de Robert. Ah, bah, ça m'étonne pas. Il est jamais là quand on a besoin de lui. Enfin, mais, quand il revient, dites-lui bien que s'il reprend pas son chien demain, je le fous à la SPA. Vous m'entendez ? À la SPA. Mais, c'est quoi ce truc de merde ? Mais attendez, monsieur, mais c'est... Mais allô ? Allô ? Ah, mais c'est quoi ce bordel ? Oh. Tu es enfin rentré ? Je suis impatient de te revoir. Tu m'as tellement manqué, si tu savais le nombre de fois... Attendez maintenant. Oh, je sais pas qui vous êtes. Et puis je m'en fous complètement. Mais alors, collez-vous ça dans le crâne, nom de Dieu. Il n'y a pas de Robert ici. Vous m'entendez ? Il n'y a pas de Robert. Alors foutez-moi la paix. Non mais c'est pas vrai ça à la fin, quoi. Merde. Oui, allô ? Allô ? Ah, c'est Robert à l'appareil. Est-ce qu'il y a des messages pour moi ? Arc-en-ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Feitiço do luar. Há tanta coisa que eu não sei, mas sei que se pode adivinhar quem é lobo e quem não é, pela maneira de estar. Entre nós cegos de ilusão anda a matilha impunemente, com a lei zorra sempre à mão, a roubar honestamente. Lobos, andam por aí os lobos, metidos pus na pele dos homens todos. Lobo e os homens com bons modos. Lobo, andam por aí os lobos. Pus na pele dos homens todos. Lobo e os homens com bons modos. Nos jornais, nas bolsas lobas de valores, engordam e cada vez mais. Olhos bem vistos dos pastores, ainda são lobos maiores. Em noites de lua cheia, descem as lobas ao povoado, mostrar o luxo da alcateia. Ao rebanho tresmalhado, oh, oh, oh. Lobos, andam por aí os lobos. Pus na pele dos homens todos. Lobos, homens com bons modos. Lobos, andam por aí os lobos. Pus na pele dos homens todos. Lobos, homens com bons modos. Todos, lobos, homens com bons modos. Lobos, andam por aí os lobos. Batidos na pele dos homens todos. Lobos, homens com bons modos. Lobos. Oh,

Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. mes nuits qui valent tout soleil au bien. Ah, vol d'amour, c'est tout près. Le bonheur, c'est une fleur sur un quai qui n'attend qu'une main pour l'accueillir, qu'un bateau ivre pour partir de toi jusqu'à moi. Il faudrait poser, poser sur tout ça. Le pont d'un baiser, pas un baiser de cinéma, un vrai, un temps réel. Vol d'amour, on s'en va sans escale vers musique tropicale. Faire un tour vers l'été maximum, chanter sur le boulevard du Rhum. I'd like to love see you looking baby. Swell. Love you, baby. Diamond bracelets of Woolworth, they ain't gonna sell to you, baby. Till the lucky day, you know darn well, baby. But I can't give you anything but love. Love, love, love you, baby. Love, love, love you, baby. Love, love, love you, baby. Toujours le

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voici une anglaise avec le blues. Et puis juste après, latino. I want to be your partner, can't you see? The music is just starting, and now it's calling, and I'm falling. Dance with me. In fantasy, can never be so killing. I feel free. I've got you, I'm willing. Put that beat up, kick your feet up. Dance with me. Let it lift you off the ground. Starry-eyed and love is all around us. I can take you if you want to go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dance with me to be your partner. Can't you see? The music is just starting. Night is calling and I'm falling. Yeah.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Voici donc la grille des programmes pour ce soir ainsi que pour demain mercredi. Donc ce soir à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe. Et puis juste après un autre Christophe entre 21h jusqu'à 23h. Et puis demain nous serons mercredi c'est à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor. Et puis en soirée, à partir de 18h jusqu'à 19h30 avec Violette. Et puis pour le jeudi matin, à partir de 9h jusqu'à midi avec Armel Giraud. Et puis en soirée, à partir de 18h, 20h, vous allez retrouver Chantal. Voilà du côté des émissions, et puis je vous laisse du côté brésilien. Et puis juste après brésilien, on ira faire un petit tour du côté du zouk. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Foi no pé dela, a menina me falou, mas pra cima das canelas eu fui parpando, eu fui parpando. Eu parpei, foi no joelho, a menina me falou, é pra cima, o pai me veio. Eu fui parpando, eu fui parpando. Eu parpei, foi no pescoço, a menina me falou, mas pra baixo é dois caroços. A menina me falou, mas pra baixo é um buraquinho. Eu fui parpando, eu fui parpando. Eu parpei, foi no umbigo. A menina me falou, mas pra baixo é um perigo. Eu fui parpando, eu fui parpando. Eu parpei, foi na virilha. A menina me falou, mas pro lado é uma fria. Ha ha ha! merci. Vai! É tudo nosso. É tudo que? É nada deles. É tudo nosso. É tudo que? É nada deles. É tudo nosso. É tudo que? É nada deles. É tudo nosso. É tudo que? É nada deles. Na festa entrei, pânico criei. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É tudo nosso e de mais ninguém. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Na festa entrei, pânico criei. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É tudo nosso, é tudo que? Vai! Hoje é sexta, vou curtir, só um pouco pra distrair a cabeça dos problemas que não vou assumir. Pego o shot pra virar, porque hoje é pra estragar. Tento me fazer refém, com aguardente digo amém. Duas horas já tô sem, aquela que beija bem. Já não vejo mais ninguém, hoje é tudo pra... Vai! Quero ver tudo a dançar, hey. Quero ver tudo a cantar, hey. Quero todos nessa festa. Quero ver tudo a dançar, hey. Quero ver tudo a cantar, hey. Quero tudo nessa festa com a mão no ar. Esse, vai! É tudo nosso, é tudo que? É nada deles. É tudo nosso, é tudo que? É nada deles. É tudo nosso, é tudo que? É nada deles. É tudo nosso, é tudo que? É nada deles. Na festa entrei, pânico criei. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E de mais ninguém. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Na festa entrei, pânico criei. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É tudo nosso, é tudo o quê? Vai! É tudo nosso, é tudo o quê? Vai! E hoje eu vim pra festejar. É tudo o quê? Choisirons sans vie, non, mais mouvement.

chaussures Paris. Et oui, on soupire, mais pour y parvenir, un bisou, on se sourit. Un instant de silence, tendre de confiance, des amoureux de la vie. C'est encore la même chanson. Sud de l'Italie,

s'arrange toujours, même mal. Les lumières éliminées de Métropolis, les cow-boys ratés sont dans la police. Ce vieux monde va crever, ce vieux monde craque. État d'urgence d'exception, arrêtez le massacre. Il m'a cassé les doigts, dit. Laisse-moi mourir pour partir, dit. Reviens pas sur ce que je dis. Pourquoi pas? La Lumière. J'ai tué le crocodile qui suivait mes traces. Je l'ai plumé des oncilles et mangé sur place. Liberté t'as pas de prix, mais pour l'angoisse c'est gratuit. Je reviens pas sur ce que j'ai dit. Arc-en-ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Well, they're really rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, shaking round a Frisco Bay. All over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16. A sweet little 16. Yeah, she just got a hat. About a half a million. A famed autograph. Oh, the wallet filled with bitches. Yeah, she got them one by one. And so excited, me, won't you look at her run? Oh, mommy, mommy, please, there I go. It's such a sight to see. Somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, daddy, I'm a beg of you. It's all right with mom. Well, I guess it's okay. Them grown up blue. She's wearing tight dresses and lipstick. Magic boat and high heel shoes. Yeah, but tomorrow morning, she gotta change her tree. She's gonna be sweet 16. She's gonna shake it back to class again. Yeah, cause they'll be rocking on bandstand. Billy WPA. Down deep in the heart of Texas, man, they're shaking. Ooh, all over St. Louis, way down in New Orleans. cannot be denied. Someday you'll find all who love are blind. Oh, when love's on fire, you must be alive. Smoke gets in your eyes. So I check them and I gaily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when the lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Voici donc Lady Driver et puis juste après François Feldman. At 8 o'clock, I know where I'm gonna go. I'm gonna pick my baby up and take her to the picture show. Everybody in the neighborhood is dressing up to be there too. And we're gonna have a ball just like we always do. Saturday night at the movies, who cares what picture you see? When you're hugging with your baby in the list of the balcony. Well, there's Chick, Schuller and Cinema Show, a cast out of Hollywood. And popcorn from the candy stand makes it all seem twice as good. So pretty girls with figures they don't try to hide, but they never can compare to the girls sitting by my side. Saturday night at the movies, who cares what picture you see? When you're hugging with your baby in the last row of the balcony. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Non, non, je ne prends jamais les chemins de traverse. Pas de mur qui se frôle, de paupières qui se baissent. regarde tout droit. Mon sens est mis en pièces, mais il n'y a pas que la vérité qui blesse. Il y a aussi les bruits qui courent et qui s'attachent. En rouge le CV, ça fait comme une tache. Même si c'est inventé, ce qu'on vomit et crache, il me reste à chanter. Non coupable, je ne m'excuserai pas de vivre et d'exister. Non coupable, je ne m'accuserai pas, ce ne sont pas mes péchés. On récolte ce qu'on sème, et si je suis coupable, c'est de n'avoir été que moi-même. Que moi-même. Je ne chercherai pas la falaise la plus haute. Non, je ne suis pas femme à étaler mes fautes. D'être l'ange et la bête pour faire partie des autres. Je ne dirai plus un mot, mais je le chanterai. Je dis oui à la vie, à l'amour qui soulève. À tous ces pas tendus qui ont porté mon rêve. Et qui sont toujours là pour que rien ne s'achève. Laissez-moi vous chanter. Voici donc, eh bien, François Feldman. Donc, c'est Laura Fabien qui a voulu passer avant. Bon, eh bien, le voici. Et puis, juste après, Natacha Saint-Pierre. Il n'y a plus soleil quand je me réveille. Matin, chagrin, quand j'ai le mal pour toi. Casser la nuit. Le jour aussi, j'ai faim, pas bien, quand j'ai le mal de toi, quand j'ai le mal de toi, je raconte n'importe quoi, tu ne mens pas, que je t'attends pas. Je peux mentir comme ça. Quand j'ai

tivesse eu tua grandeza e era meu o teu altar. Duarte no melhor de Portugal. Hora certa, vamos ter notícias. Regresso logo depois para a segunda parte da terceira parte do melhor de Portugal. Hoje é terça-feira, é dia de meus direitos com Graça Cabral e Isabel Flor. Isabel, vamos falar de quê na edição de hoje? Continuamos no especial de Natal e hoje falamos para os consumidores mais jovens. Isso, Natal para os pequenos, para os pequenotes. Neladeiras até o final da hora. Beijar o menino é música de Natal. Boa tarde. Em Portugal Continental e na Madeira, 3 nos Açores. Programa da tarde, 17 de dezembro. Nuno Rodrigues, boa tarde. Olá, José Carlos, boa tarde. Até às 7, hoje temos uma bela emissão pela frente e olhamos já para um dos assuntos que vai estar em destaque no programa da tarde, nas notícias desta hora, a crise política na Madeira. O candidato derrotado por Miguel Albuquerque nas últimas eleições para a liderança do PSD Madeira defende que os sociais-democratas regionais devem ir de novo a votos e, nesse caso, será de novo candidato. Manuel António Correia quer também que o Presidente da República convoque novas eleições no arquipélago depois da moção de censura que derrubou hoje o governo regional. Fernando